Les courriels du public. Partie 1 de 2. Enregistrement numéro 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Voici une vidéo où je présente une réponse faisant suite à une question du public que j'ai reçue par courriel. Donc, si vous avez des questions ou commentaires se rapportant aux enregistrements vidéo et texte que je produis, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel étant davidlevesque@hotmail.com. Je vais répondre dans le cadre d'enregistrements publics à des questions d'ordre général dans des vidéos dont les réponses peuvent être utiles à plusieurs personnes et aussi effectuer des commentaires par rapport à des messages que je reçois. Donc, faire suite à certains commentaires du public aussi dans des vidéos. Donc, parmi les messages que j'ai reçus dans les derniers jours, aujourd'hui, je vais apporter des réponses aux questionnements que m'ont partagé Michael. Alors, bonjour Michael, qui m'a écrit: j'imagine que tu possèdes un système qui te permet de capter les vibrations. J'aimerais que tu me décrives ce système. De quelle façon tu perçois les vibrations? J'aimerais aussi savoir s'il y a eu des mutations physiques associées. Merci et bonne journée. Alors, voici le questionnement que soulève Michael. Et à présent, je vais donner une réponse par rapport à ce questionnement. Par rapport à la perception vibratoire, ça se fait en fonction de la sensibilité de chacun. Donc, par exemple, quand quelque chose a une vibration qui est élevée, on peut ressentir à l'intérieur de soi un sentiment de légèreté. Alors que si la vibration est lourde, on peut sentir une lourdeur. Si la vibration est plus basse, souvent on va ressentir plus une lourdeur. Donc un assombrissement, si on représente ça en fonction de couleur ou de lumière, on peut dire qu'une vibration élevée va être associée à une couleur blanche. Tandis que une vibration qui est plus basse, ça va être associé à quelque chose qui est coloré, donc quelque chose qui est associé psychiquement, par exemple, à une entité qui est plus basse en évolution de conscience liée au plan astral. Ça peut être une vibration qui peut être de couleur brune, de couleur rouge, ensuite un peu plus élevée de couleur bleue, de couleur violet et ensuite doré. Donc, la couleur qui me vient dans l'esprit, lorsque je pense par exemple à un endroit, à un individu, même tout simplement à un livre ou à un film, donc cette impression-là globale que j'associe à une couleur est en relation avec le fait que la vibration peut être associée au plan astral. Donc ça, c'est la façon que je le perçois. Une autre personne peut percevoir la chose différemment. Bien entendu. Donc, autrement dit, la perception de la vibration, c'est comme si c'est une perception qui se superpose à celle de ma vue physique. Donc, autrement dit, si je regarde, par exemple, la télévision avec mes yeux de chair, je peux percevoir dans ce bulletin de nouvelles un individu qui parle. Et au niveau vibratoire, lorsque je regarde ça, je peux, à un moment donné, vivre un état de transe légère, où je perds momentanément la notion du temps et de l'espace. Et là, il me vient une couleur en tête par rapport à l'individu. Donc, autrement dit, on peut percevoir quelqu'un et puis là, il vient en tête la couleur brune ou la couleur rouge. Une autre personne, non, c'est une couleur qui est plus bleue, une couleur plus violacée. Et c'est en relation avec des attachements à des formes pensées et également la liaison psychique à l'individu avec certaines entités. Donc, autrement dit, si la personne a beaucoup d'ego, elle a beaucoup d'orgueil, de désir de domination, de s'imposer à autrui. eh bien, je peux percevoir dans le mental une couleur qui est brune, une couleur qui est rouge. Alors que si la personne est associée psychiquement à des entités de haute spiritualité, il y a un idéalisme qui est très fort de faire le bien, d'aider les autres. Des fois, ça peut être une couleur bleue, une couleur violacée, qui peut être la relation qui est perçue entre l'individu et des entités plus de niveau angélique. Donc, autrement dit, tout dépendant de la personne que vous percevez, eh bien, vous pouvez voir des couleurs qui apparaissent dans le mental en fonction de la sensibilité de la personne et son attachement avec des formes pensées et sa relation avec des entités. Donc, autrement dit, si par exemple, vous voyez quelqu'un avec beaucoup de couleurs, qui a même une coque astrale qui s'y rattache, ça veut dire que la personne n'a pas un ego qui est transparent. Alors que si vous percevez quelqu'un qui est conscient, eh bien, ça peut être associé à une couleur qui est blanche ou très peu d'attachement avec des entités qui sont de plus basse vibration, là. Donc, ça peut se percevoir avec une certaine sensibilité. C'est sûr que d'en parler comme ça, ça peut paraître abstrait. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la perception vibratoire se précise à mesure que la personne travaille avec le ressenti. Donc, ça se raffine avec le temps. À mesure que la personne exerce son ressenti et à mesure qu'elle peut percevoir avec clarté la vibration, par exemple, qui se rattache à un individu, à un lieu, à un animal, c'est un petit peu comme pour la perception de couleur que les artistes vont avoir. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui commence à faire de la peinture artistique, eh bien, elle va apprendre à utiliser des couleurs primaires. Ça peut être le bleu, ça peut être le jaune. Et ensuite, elle peut développer des compétences pour percevoir celles issues de mélanges comme un bleu pâle ou un bleu foncé. Donc, c'est la même chose pour quelqu'un qui apprend à percevoir des individus sur le plan vibratoire. Donc, au début, il peut percevoir un bleu, puis à mesure que sa sensibilité s'approfondit, se précise. Ensuite, elle peut percevoir des nuances de bleu, des nuances de bleu foncé, bleu pâle, et ainsi de suite. Donc, elle peut avoir une perception vibratoire qui devient de plus en plus fine avec le temps. Et c'est à travers l'utilisation du ressenti que ça se développe, un petit peu comme pour la perception de la neige. Donc, il existe plusieurs types de neige. Quelqu'un qui ne vit pas dans un pays nordique, qui est confronté au froid, peut avoir de la difficulté à faire la distinction entre les différents types de neige, alors que quelqu'un qui vit l'hiver régulièrement, comme les gens au Québec, eh bien, ça leur permet de faire la distinction, par exemple, entre une neige qui est mouilleuse, qui est plutôt lourde, ensuite une neige qui est plutôt composée de cristaux qui sont fins, une neige qui est plus légère, donc une neige aussi qui est mélangée de grésilles. Donc, il y a différents types de neige et ça se développe avec en étant confronté aux stimuli, à la perception, un peu comme la perception du son. Donc, des musiciens s'entraînent en développant, entre autres, l'oreille musicale à jouer de la musique. Lorsqu'un musicien a développé la capacité d'avoir une oreille qui est absolue, eh bien, il est en mesure, lorsqu'il entend un son, de reconnaître, par exemple, la note qui est jouée. Donc, il peut entendre un son et dire « Ah, ce son de guitare, c'est une note de sol » ou c'est un ré ou un fa. Donc, quelqu'un qui entraîne sa perception sonore, comme quelqu'un qui entraîne sa perception vibratoire, il y a des similitudes à faire entre les deux, eh bien, cette personne-là développe un système de perception qui lui permet de plus en plus rapidement, avec l'entraînement, de cerner la vibration qui est derrière la forme. Donc, pour en revenir aux perceptions de couleur que j'avais, mais ça peut être aussi de perception de la note qui est jouée derrière le son qu'il entend. Et quelqu'un qui a une oreille musicale qui est très raffinée, eh bien, il entend une chanson et il est capable de jouer au son, de la reproduire avec un instrument, que ce soit de la guitare, que ce soit du piano. Et il peut même chanter. Donc, quelqu'un qui, par exemple, écoute un instrument de type karaoké avec un arrière-plan musical, eh bien, il peut chanter la voix principale en se basant sur l'environnement musical et chanter directement, juste sur la note qui, en harmonie avec les notes qui sont jouées dans l'arrière-plan musical. Et c'est le même principe qui s'applique à quelqu'un qui canalise la vibration de son esprit. Premièrement, il faut qu'il le perçoive, qu'il s'habitue à le ressentir. Et pour ça, il faut qu'il s'intériorise. L'un des moyens efficaces et que j'ai expérimenté, c'est tout simplement de prendre la parole et de fermer les yeux, ce qui me permet de me recentrer, plus apporter mon attention sur l'intériorité. Donc, en fermant les yeux, ça peut vous mettre en contact plus avec la dimension intuitive, créative de votre être. Donc, ça peut être un moyen pour apporter votre attention sur le stimuli, le ressenti. Et un peu comme quelqu'un qui joue de la musique, qui va s'harmoniser avec la vibration qu'il perçoit dans une chanson pour chanter, eh bien, l'individu qui est en contact avec l'esprit s'harmonise avec la vibration qu'il perçoit de l'esprit pour prendre la parole à voix haute, en canalisant son énergie d'une manière de plus en plus adéquate et juste. Donc, une parole qui est juste, comme une note qui est juste jouée par un musicien expérimenté, voilà ce que l'individu est appelé à développer au fil du temps en s'entraînant à percevoir avec son ressenti qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas pour avoir des paroles et des actions qui sont ajustées dans sa vie de tous les jours. Donc, chanter sur la note est comme parler sur la vibration. C'est assez semblable dans les deux cas. Et puis, pour s'habituer à percevoir les vibrations, eh bien, c'est de goûter à des environnements qui sont parfois tranchants. Donc, autrement dit, quelqu'un qui assiste à un spectacle de musique rock, de musique heavy metal, avec des gens qui crient, avec des gens qui chantent fort, des gens qui sont habillés avec des pantalons troués, avec des manteaux de cuir, c'est un environnement qui est extrêmement différent que ceux qui se rapportent à la musique classique où il y a des gens qui sont en complet avec une cravate et qui vont plutôt parler calmement. Donc, vous avez différents environnements. C'est comme la musique, hein, les vibrations. Une vibration peut être très dense, très forte, un peu comme de la musique heavy metal, puis elle peut être très légère et très douce comme de la musique classique ou de la musique nouvel âge. Ici, je ne veux pas nécessairement dire qu'il y a une musique qui est bonne ou mauvaise, ce n'est pas ça le point. Chaque musique a sa fonction. La musique heavy metal peut servir à dynamiser quelqu'un pour s'entraîner en salle, alors que la musique plus calme, plus douce peut servir à la personne à l'accompagner, par exemple, dans des exercices de méditation. Donc, chaque chose a sa fonction. Et par rapport à ça, grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est que dans certains cas, derrière la vibration, il y a une lourdeur qui occasionne de la perte d'énergie et que dans d'autres cas, il y a une certaine légèreté qui est associée, qui donne de la vitalité.